Lisbeth, à qui cette affreuse plaie des maisons parisiennes était connue, pensait à diriger le ménage de Valérie en lui promettant son appui dans la scène terrible où toutes deux elles s'étaient jurées d'être comme deux sœurs. Donc elle avait attiré, du fond des Vosges, une parente du côté maternel, ancienne cuisinière de l'évêque de Nancy, vieille fille pieuse et d'une excessive probité. Craignant néanmoins son inexpérience à Paris, et surtout les mauvais conseils qui gâtent tant de ses loyautés si fragiles, Lisbeth accompagnait Mathurine à la grande halle et tâchait de l'habituer à savoir acheter. Connaître le véritable prix des choses pour obtenir le respect du vendeur, manger des mets sans actualité comme le poisson par exemple, quand ils ne sont pas chers, être au courant de la valeur des comestibles et en pressentir la hausse pour acheter à la baisse. Cet esprit de ménagère est à Paris le plus nécessaire de l'économie domestique. Comme Mathurine touchait de bons gages, qu'on l'accablait de cadeaux, elle aimait assez la maison pour être heureuse des bons marchés. Aussi, depuis quelque temps, rivalisait-elle avec Lisbeth, qui la trouvait assez formée, assez sûre, pour ne plus aller à la halle tous les jours où Valérie avait du monde, ce qui, par parenthèse, arrivait assez souvent. Voici pourquoi.